quatrième et dernier temps de notre série consacrée à la ville de Marseille. Aujourd'hui, que faire du passé antique de Marseille ? Après un nouvel épisode de notre Fabrique scolaire de l'Histoire, comme tous les jeudis dans la Fabrique de l'Histoire, nous continuerons et terminerons notre série sur Marseille. Après vous avoir parlé lundi des connexions entre villes méditerranéennes à l'époque moderne, dans la foulée de Fernand Braudel, mardi de la réinvention des traditions musicales occitano-marseillaises, hier du passé industriel de la ville, nous nous demanderons ce matin, alors que la cité a été bouleversée par une polémique sur la conservation des vestiges archéologiques de la carrière de la Corderie, que faire du passé antique de Marseille. Car voici une ville dont on répète qu'elle est la plus ancienne de France, mais dont, jusqu'à il y a 50 ans, on connaissait si peu de choses de son passé antique, des choses qui maintenant ont été redécouvertes grâce à des fouilles depuis 1967. Nous verrons cela avec Henri Trésigny, il est directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de l'archéologie grecque occidentale et donc de l'archéologie grecque à Marseille. Et Dominique Garcia, il est président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive et professeur d'archéologie à Aix-Marseille. Mais tout de suite, je vous l'ai promis, un nouvel épisode de la Fabrique scolaire de l'Histoire. On remonte à la période du 19e siècle et du 20e siècle en Allemagne. Charlemagne, fils de Pépère le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Les dates de cet empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez ? Les dates de cet empire, oh, tout est prévu ! Est-ce que vous me voyez ? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît ? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Hop ! Allez, on aborde un nouveau chapitre d'histoire. Tu peux en sortir de quoi écrire. Ça va t'aider. Bonjour. Salut. On est en histoire. Ouais, on fait de l'histoire, ouais. Stéphanie Rivière et Christine Berry enseignent l'histoire au lycée autogéré de Paris, situé rue de Vaugirard. Ce matin, le cours de terminale porte sur socialisme et mouvement ouvrier en Allemagne à la fin du 19e siècle. Des discussions s'engagent sur le marxisme, la lutte des classes ou le socialisme réformateur aujourd'hui. Donc sur les idéologies, on va travailler sur l'Allemagne et sur le socialisme, le communisme et le syndicalisme, c'est-à-dire comment se fondent les partis socialistes et communistes en Allemagne depuis 1875 jusqu'à aujourd'hui et comment ils évoluent en fait et leur relation avec le syndicalisme qui n'est pas la même relation qu'en France. Alors, on va vous demander d'ouvrir le manuel. Page 84. Bravo. Tout le monde en a un. Sur la première photo, là, qu'est-ce qu'on voit ? Deux statues. De Karl Marx et Engels. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Marx, oui. Oui. Et pas Engels aussi. Engels aussi. Alors, dites-en plus. Si je dis pas de bêtises, c'est des philosophes, non ? Ils vont travailler sur quel sujet ? Qu'est-ce qu'ils vont théoriser ? Notamment l'impact du social sur la personne. Enfin, l'impact du milieu sur le développement des personnes. Oui, pas seulement des personnes, hein. Des sociétés. Ils vont observer la société industrielle qui s'industrialise justement du 19e et ils vont constater quoi ? Est-ce que vous savez ? C'est quoi leurs conditions de vie aux ouvriers ? C'est pas tip-top, quoi. Ah non, c'est pas tip-top. Marx et Engels disent que les ouvriers sont exploités. Sont exploités par qui ? Par quoi ? Par les industries, par leurs employeurs. Oui, par leurs employeurs, par ce qu'ils appellent le capital, hein, par ceux qui détiennent le capital et qui font travailler les ouvriers, hein, dans les conditions que les patrons décident. Et donc, ils vont prôner quoi comme solution pour sortir de cette situation ? Communisme, non ? Oui. Non. Ça, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, mais ils prônent comment, quoi ? Ouais, comment tu arrives au communisme ? Ah, la révolution ? Oui. Merde. Non, je sais pas. Alors, on peut lire ce qui est écrit en dessous, au-dessus de la photo, là. Ces deux philosophes allemands, à la fin du 19e siècle, sont des pensées en majeur du socialisme. Il théorise notamment les idées de lutte des classes et de révolution. Ces statues ont été édifiées en 1986, en plein cœur de Berlin-Est, par les communistes au pouvoir en RDA. Elles symbolisent à la fois les origines et la division du socialisme allemand. Donc il théorise les idées de lutte des classes. Ça vous dit quelque chose quand même, la lutte des classes? Ouais. Hein ouais. Maintenant, on arrive à la deuxième photo. Qu'est-ce qu'on voit sur cette deuxième photo? Jospin. Légende, oui. Bah bien sûr, vas-y. Oui, Jospin. C'est qui Jospin? Lionel Jospin. Oui. C'est bah déjà c'est un Français, c'est sûr. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Et qui d'autre? Tony Blair, il était Premier ministre. Ouais. C'est bien en anglais. Oui. Ouais. Et Schröder, ça doit être un Allemand. Alors qu'est-ce que nous dit la légende? Qu'est-ce qui se lance à lire ça? Pas moi. Bah vas-y. Vas-y Luc. Ok. À la fin des années 1990, les partis sociaux-démocrates remportent les élections dans 11 des 15 pays de l'Union européenne, dans le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. C'est un socialisme réformateur et converti à l'économie de marché qui s'impose alors, symbolisant les profondes transformations du socialisme depuis la fin du 19e. Voilà. Alors là, on parle de socialisme réformateur qui triomphe hein, dans la plupart des pays d'Europe. Et ce socialisme, il est converti à l'économie de marché. Hein, et ça s'oppose à quel type d'économie? Vous avez une idée ou pas? Silence radio, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir ou qu'est-ce qu'il y a encore comme autre type de fonctionnement économique? Si c'est pas l'économie de marché, l'économie capitaliste. Une économie communiste. Eh ben voilà, bien sûr, bien sûr. Alors l'idée c'est de voir l'évolution entre ces deux photos, hein, et donc pour ça on prend comme exemple l'histoire de l'Allemagne. Donc pour l'histoire de l'Allemagne, on va mettre en place une frise chronologique. Parce que je suppose, et j'espère à tort, que vous avez peu de références chronologiques sur l'histoire de l'Allemagne depuis 1875. Tout ce qui est 20e, bah, y a des trucs qui sont faciles à placer, genre première, seconde guerre mondiale, mur de Berlin, chute du mur, ça va. Avant ça, il y a la guerre de Prusse. Oui, et tu vois, même la guerre de Prusse, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Hein. Ouais. La guerre entre la Prusse et la France. Bah, moi aussi. Enfin, si, si, si. Moi, oui, ça ne parle pas. Enfin, je sais juste que ça existe. Mais... Oui, c'est ça, voilà. Bon, alors, on va c'est prendre une feuille avec la frise et on va poser des petites dates en fonction de ce que vous savez. Allez, partagez-vous ça. Voilà pour cet épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire par Séverine Yatar et Marie-Laure Ciboulet. Alors si la guerre de Prusse, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, que veut dire la Marseille antique, on va en discuter dans un instant. 600 ans avant Jésus-Christ, sous une heureuse étoile et sur des bords privilégiés, naquit Marseille. D'un père grec, le phocéen Protis, et de Gyptis, fille d'un roi indigène. Née grecque, sans aliéner sa liberté, elle restera longtemps grecque. La légende et l'histoire le disent, mais naguère encore, la ville n'avait à montrer que des signes épars de son antiquité. On avait bien découvert en 1913 un tronçon de mur ancien, dit « mur de Crinas », pouvant appartenir à la ville antique, inscrite entière dans le triangle de terre que nous découvre un survol. Mais ce mur restait caché sous terre, derrière la bourse, en plein cœur de la ville. En 1967, des engins modernes ouvrirent ce vieux cœur pour édifier du neuf. On vit alors jaillir du sol, non plus des vestiges épars, mais tout un ensemble organisé par les Grecs pour couronner le travail de la nature. Voilà, pour commencer ce débat sur Marseille antique, un extrait du film d'Edouard Delbecq, qui était docteur Eslet, professeur de grec à l'université d'Aix-en-Provence entre 1952 et 1983, et qui avait produit, grâce au Centre d'études et de recherche hellénique de la faculté des lettres d'Aix, ce film, donc qui s'appelait Marseille, ville grecque. C'était en 1968, on a entendu cette date de 1967. Bonjour Dominique Garcia. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Et bonjour à vous, Henri Trésigny. Cette date de 1967, c'est une date importante pour notre discussion et notre débat, puisque c'est le début des fouilles, c'était il y a 50 ans, de la Bourse. Ces fouilles qui ont été très polémiques, très discutées, très débattues avec le maire de l'époque qui s'appelait Gaston Defer, et des fouilles que vous avez contribué à mettre au jour, en l'occurrence, Henri Trésigny. C'était un moment très important de redécouverte, comme le dit ce film d'Edouard Delbecq, de la ville archéologique, du passé archéologique de la ville de Marseille. Oui, bien sûr. Enfin, j'y ai contribué modestement. En 1967, j'étais un jeune étudiant, donc j'y ai contribué comme je pouvais. J'ai surtout repris des dossiers ensuite et j'ai beaucoup travaillé sur ce site. C'est effectivement le début des fouilles vraiment scientifiques à Marseille, même s'ils ont été difficiles. C'est quand même les premières grandes fouilles urbaines à Marseille. Et je crois, Dominique Gassin ne me démentira pas, c'est la première grande fouille urbaine réalisée dans des conditions encore difficiles parce qu'on n'avait pas d'équipe, on ne savait pas faire de fouilles urbaines, on n'avait pas d'équipe spécialisée pour cela. Donc on improvisait, on cherchait des méthodes. Mais ça a donné des résultats, à mon avis, tout à fait satisfaisants. La fouille a été bien faite, pas encore suffisamment publiée, malheureusement, même 50 ans plus tard. 50 ans plus tard, elle n'est pas entièrement publiée. Non, parce que la plupart des fouilleurs sont décédés entre-temps. Mais on espère arriver à des choses rapidement maintenant. Et surtout, c'est le début d'une période dans laquelle les fouilles urbaines vont se développer à Marseille de façon assez rapide. Encore en 1990, lors d'un colloque que nous avions fait à Marseille, on ne pouvait pas faire un plan correct de Marseille antique. Quels étaient les contours de la ville exactement? Quelles étaient les zones occupées aux diverses périodes? On ne le savait pas. Aujourd'hui, on peut le faire, on le fait. C'est encore très imparfait parce que, bien sûr, c'est une fouille urbaine, donc c'est une fouille de confetti. Il faut bien voir que dans une ville moderne, on ne peut faire qu'une fouille de confetti qu'on essaie de mettre bout à bout avec des interpolations, en quelque sorte. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Marseille ou très peu, cette fouille, et en particulier cette installation grecque sur ce qu'on appelle le Lacidon, la calanque de Lacidon, donc, et qui est l'actuel vieux port, même s'il a été modifié au cours du temps, cette fouille et cette implantation grecque se situe au nord, c'est-à-dire de ce que l'on connaît aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le quartier vaguement du Panier aujourd'hui. C'est là où s'installe prioritairement au VIe siècle avant notre ère des gens de Ionie, donc de ce qui est l'actuelle Asie mineure. Alors ils sont de Phocée, ils sont de Milet ou ils sont d'autres endroits, on ne sait pas très bien. Enfin, ils viennent de cette région-là et ils s'installent dans ce quartier-là au nord d'une calanque qui visiblement n'est pas occupée auparavant par grand monde, Henri Trésigny. Non, le secteur a été occupé, notamment à l'époque préhistorique. Il y a eu des installations humaines. Mais au moment où les Grecs s'y installent, les populations indigènes existent, mais elles sont plutôt dans la périphérie, dans la banlieue, vers Saint-Marcel, par exemple, dans ces régions-là, mais pas sur le port lui-même. Donc l'installation, c'est le nord du vieux port, pas le sud, à cette époque-là, uniquement le nord, et sur une surface qui varie entre le début de la fondation, vers 600, on peut dire, 6e siècle, on peut dire vers 600, maintenant c'est à peu près certain, d'une vingtaine d'hectares, jusqu'à 50 hectares à l'époque romaine, entre 20 et 50 hectares. L'époque romaine, ça veut dire jusqu'au secteur de la Bourse, le mur de Crinas, par exemple, c'est la limite est, la butte des Carmes, en gros l'arc de triomphe actuel à l'arrivée de l'autoroute, l'ancienne arrivée de l'autoroute, et ça fait 50 hectares, ce qui est petit pour une ville grecque coloniale. Alors ça, c'est ce que l'on sait, vous le dites, grâce aux fouilles archéologiques. Lorsque j'ai annoncé sur les réseaux sociaux Dominique Garcia cette émission, ainsi que la série d'émissions, j'ai dit, voilà, on va faire une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur la plus ancienne ville de France. Ça n'est pas la première, ça doit être la troisième semaine qu'on consacre depuis que la Fabrique existe à Marseille. On avait fait un documentaire sur les fouilles de la Bourse, on avait fait une série d'ailleurs que vous pouvez réécouter en 2013 sur la ville de Marseille, au moment de Marseille, capitale culturelle de l'Europe, une bien plus ancienne en 1999, qui n'est plus accessible sur notre site, mais vous pouvez écouter certaines de ces émissions sur les pages de la Fabrique de ce jour. Et là, des gens, des spécialistes, des auditeurs m'ont dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est la plus ancienne ville de France, en particulier la spécialiste de Rome qui est Florence Dupont, dit oui, il y avait quand même sûrement d'autres villes qui se tenaient sur ce territoire qui est aujourd'hui la France. Mais Et simplement, on n'en a pas gardé la trace, on en a juste gardé des noms, Dominique Garcia. Alors, les réactions sont intéressantes, comme toutes les réactions. Il y a eu d'autres réactions par rapport à d'autres émissions. Il y a même des gens qui se sont émus, suite à votre émission d'hier, qu'il y ait pu y avoir une industrie à Marseille, ouais, au 19e siècle. Absolument. Comme quoi, il est bon, lorsqu'on regarde Marseille, d'avoir un regard un peu éloigné. Tiens, il y a des gens qui travaillent, tiens, il y avait une ville antique, tiens, elle est ancienne. Ensuite, par rapport à la place de Marseille en tant que ville et première ville, et aux remarques qui ont pu être faites, jusqu'à preuve du contraire, l'archéologie, c'est la documentation matérielle. Donc l'endroit où on a fouillé aujourd'hui des vestiges d'un pôle urbain important du début du 6e siècle, c'est à Marseille et nulle part ailleurs. Mmh. Ensuite, bien entendu, s'il y a des choses à découvrir, les archéologues seront là pour les exploiter et les diffuser. De manière plus générale et plus historique, la ville est une idée neuve dans l'espace euro-méditerranéen au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et quand Marseille est installée, c'est un modèle qui est importé. C'est celui de la cité grecque qui est réalisée d'une colonie qui est implantée sur les rives du Lacidon. Et donc, on a, fin de compte, là, un modèle qui est apporté, un modèle colonial. C'est ça, la ville. Ce n'est pas uniquement un espace urbain avec des murs, des rues et des populations qui sont concentrées. C'est aussi des fonctions sociales, économiques et politiques dont on a la preuve. Et donc là, le rayonnement de Marseille se fera sur les rives de la Méditerranée. Donc elle est au centre d'un réseau commercial extrêmement important, le fameux réseau phocéen. Et ensuite... On peut citer qu'il y a des comptoirs, Nikea, Monaco actuellement, Emporion en Catalogne actuelle, etc. Les explorateurs grecs, les colons grecs, bien entendu, sont allés et ont créé Marseille, ont créé Emporion en Catalogne, et Marseille a aussi produit et fondé d'autres agglomérations, Agde en Languedoc, Nice. Olbia, Nice, Monaco, Aléria pour un autre site phocéen. Donc il y a un réseau de villes phocéennes qui court de la Méditerranée orientale jusque à la Méditerranée occidentale. Qu'est-ce que vous disiez que les fouilles depuis 50 ans, depuis les fouilles de la Bourse, en l'occurrence Henri Trésigné, avaient profondément modifié la connaissance que l'on pouvait avoir de ce qu'était la Marseille antique et la Marseille grecque en particulier au 6e, 5e siècle avant notre ère. Vous disiez par exemple qu'on avait un réseau viaire où on savait à peu près comment était orientée cette ville, où elle commençait, où elle était censée finir. Ça, c'était grâce à l'archéologie. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre, en l'occurrence Henri Trésigné, depuis 50 ans, grâce à l'archéologie? D'abord, essentiellement, effectivement, le réseau viaire. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, dans les années 80, on présentait Marseille, la Marseille grecque, comme une ville qui n'avait pas de plan. Mmh. En opposition aux villes grecques qu'on connaît en Sicile, en Italie du Sud, qui, elles, ont des plans orthogonaux. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce aux fouilles, qu'il y avait un plan, il y avait même plusieurs, parce qu'il y avait plusieurs quartiers qui étaient dus à l'extension progressive de la ville. J'ai dit qu'elle s'étendait de 20 à 50 hectares, c'est progressif. Et chaque quartier a son orientation. Et ça, c'est un apport encore à confirmer par de nouvelles fouilles, mais des fouilles récentes, et je crois indubitables aujourd'hui. Donc il y a le quartier du Panier, par exemple, c'est un quartier orthogonal aujourd'hui encore. Et aujourd'hui, quand on se promène dans les rues du Panier, quand on va à la ville Charité, on arpente des rues du 6e siècle avant Jésus-Christ. On ne le sait pas, mais elles sont dessous. Mm-hmm. Dessous à combien de... C'est très variable. Voilà. Quelquefois, c'est sous le goudron, ou sous les pavés. Ouais. Quelquefois, c'est beaucoup plus profond, parce que c'est une ville collinaire, dont le profil a été adouci avec le temps. Mais les pentes étaient assez raides, donc là, c'est très très variable. Mais on peut effectivement, dans le quartier des Pistoles, par exemple, la place des Pistoles qui est devant la Vieille Charité, bien une rue grecque était à 50 cm, 40 cm sous le goudron actuel, hein, ou les pavés actuels, je ne sais plus très bien. Donc ça, c'est le premier grand apport. Ensuite, l'apport urbanistique, disons. Et puis sur les fortifications, c'est quand même davantage de choses aussi. On peut préciser les dates des fortifications, donc ça permet de mieux comprendre l'ampleur de la ville. Alors sur le plan monumental, c'est là qu'on est peut-être le plus faible. C'est effectivement... D'ailleurs, les historiens et les archéologues essayent de comprendre pourquoi une ville qui était quand même importante a-t-elle laissé aussi peu de traces, disons, de grands monuments. Alors on va chercher dans les récits des voyageurs antiques qui nous disent que les Marseillais étaient très économes, très, très frustres dans leur manière de vivre d'une certaine façon. Et on se dit, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle on ne trouve pas ces grands temples qu'on pourrait attendre et qui sont pourtant décrits par ces voyageurs antiques. Il y a un texte, effectivement, qu'on cite tout le temps, qui dit un texte de Vitruve qui dit que les toits, que les Marseillais avaient des toits de terre. Et non pas des toits de tuiles, comme c'était la norme à l'époque. Mais pour les maisons, c'est dû à des phénomènes que nous ne comprenons pas, effectivement, encore aujourd'hui. On usait peu la tuile. Par contre, il y avait des monuments. Il y a au musée... Pour la capitale de la tuilerie méditerranéenne, qui était Marseille au 19e siècle, c'était étonnant. Ils se sont rattrapés ensuite, mais au départ, ils ne fabriquaient pas de tuiles, ou très peu. Par contre, on a au musée d'histoire actuellement le nouveau musée d'histoire qui vaut la visite au passage. Ah ouais, qu'il faut absolument conseiller à tous ceux qui se rendent à Marseille. Il y a un grand chapiteau ionique qui mesure à peu près 2 mètres sur 1 mètre. Enfin, c'est quelque chose de monumental. Et on est certain que ce chapiteau était ce qui reste d'un grand temple ionique. Mais grand temple ionique du type de ceux qu'on a en Asie mineure, bien sûr, etc. On ne sait pas où il était. En Grande Grèce, en Sicile. On ne sait pas où il était. Mais il a manifestement existé et il avait donc des quantités de petits frères et sœurs qui ont disparu. Tout simplement parce que la pierre a été systématiquement réutilisée et remployée. On n'avait pas découvert les carrés de la corderie à l'époque, si, peut-être. Alors, justement, à propos de cette, puisque vous évoquez ce terme de la corderie, ça, c'est ce qui a fait bouger, vibrer Marseille depuis l'été dernier, la découverte de ce site, fouillé par les archéologues de l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, Dominique Garcia, qui a mobilisé beaucoup de gens, peut-être parce qu'il y a une histoire compliqué, on l'a dit très brièvement en ouverture de cette émission, avec entre l'archéologie et la ville de Marseille, entre l'archéologie et les édiles municipaux, à cause de ces fouilles de la Bourse qui ont été difficiles, compliquées. Il a fallu convaincre un élu qui était Gaston Defer à l'époque qu'il y avait un intérêt à conserver ces sites archéologiques. Et j'imagine que dans la mémoire de tous les Marseillais et de toutes les Marseillaises, il y a ce souvenir de ce que... Je reprends un terme qui a été utilisé pour la corderie, de ce qui a été un carnage patrimonial. C'est comme ça, en tous les cas, que certains l'ont vu en 1967, 1970 et dans les années 70, alors qu'on faisait ce centre bourse qui a été construit pour faire un centre commercial sur le site de l'ancien bassin, donc du vieux port. Dominique Garcia. L'ensemble des dossiers sont liés. On disait tout à l'heure Marseille, première ville. Ensuite, il y en a eu d'autres. Il y a eu, mettons, une ville dans le Baronne, Rodanousia, dont aujourd'hui on ne sait même pas où elle est. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a eu d'autres expériences urbaines. Et Marseille est à la fois un prototype de la ville en Gaule, mais également un prototype qui a réussi. Quelque chose qui s'est développé. Ouais. Et c'est d'ailleurs parce que ça a réussi que c'est un problème. Parce mais bien entendu. Si la ville n'était plus sur la ville, comme elle est aujourd'hui, ça serait beaucoup donc, plus simple de les fouiller. Les problèmes et les soucis de Gaston Defer en 1967 sont les mêmes que les élus ont affronté à Marseille il y a 30 ans, il y a 20 ans, qui est la place du patrimoine dans la ville. Et c'est cet élément-là qu'il faut retenir. Tout à l'heure, on parlait des vestiges dans Marseille aujourd'hui. En fin de compte, c'est là. Pendant longtemps, les archéologues sont allés fouiller sur des sites en Provence, en Languedoc ou ailleurs, dans lesquels il n'y avait pas de contraintes urbaines contemporaines. On fouillait il y avait un champ de fouilles. Il y avait des ruines sans les contraintes. À l'intérieur de la ville, l'archéologie, c'était quelques monuments, et quelques découvertes fortuites. Mmh. Ensuite, il y a eu le développement dans les années 60 de ce qu'on appelle l'archéologie urbaine, c'est-à-dire l'archéologie dans la ville. Un moment où on a reconstruit. Et Marseille n'est pas rien, bien entendu. Et donc, le phénomène marseillais, on a retrouvé des échos à Lyon avec le cas du verre incarné. Il y a eu plus tard les fouilles de la quai du Louvre à Paris. C'est-à-dire un moment donné où les villes se sont recomposées dans les années 60, dans les années 70 et 80, et où les citoyens se sont retrouvés face à cette gestion du patrimoine. Et donc là, s'est développé ce qu'au départ Henri évoquait comme étant l'archéologie de sauvetage, puis ensuite l'archéologie préventive, c'est-à-dire la restitution du patrimoine par l'étude. Alors, Henri Trésigny, ce site de la corderie qui a fait couler beaucoup d'encre depuis maintenant un peu plus de 6 mois, donc depuis l'avant-été 2017, c'est quoi exactement ce site? Et vous qui êtes spécialiste de ce passé grec de la ville de Marseille, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est un site qui est extrêmement intéressant, sur lequel on a fait couler beaucoup d'encre. Je dirais, on a fait beaucoup de buzz sur un site qui est en fait l'un des sites fouillés ces dernières années. Et on aurait pu parler d'autres sites il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, dont on n'a pas parlé, alors qu'ils étaient au moins aussi importants. Ouais. Et qu'est-ce qui explique ça, selon vous ? Oh, des circonstances locales, et peut-être le développement aussi d'Internet et des sites sociaux qui permet de faire des pétitions de 20 000 personnes en cinq jours. Ou même pas. Donc, c'est un site important, intéressant, qui a permis de découvrir vraisemblablement une carrière beaucoup mieux conservée que celle qu'on connaissait jusqu'à présent dans le même secteur. Car le calcaire de Saint-Victor, on connaît ça depuis très longtemps. Il y en a sous l'abbaye, il y en a autour. On est, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Marseille, on est au sud du Vieux-Port. Donc on est en face de ce quartier que vous avez décrit auparavant. En dehors de la ville antique, dans la campagne, ce site de carrière, de nécropole, qui s'installe dans les carrières abandonnées. Du calcaire stampien, c'est ça ? Du calcaire stampien. Qui est un calcaire qui sera ensuite abandonné par les constructeurs futurs de la ville de Marseille, de Massilia, pour un calcaire qui viendra de plus loin, c'est-à-dire du côté de Marignane, je crois. De la Couronne. C'est avant Martigues, c'est à vol d'oiseau à 15-20 km de Marseille, mais on venait en bateau. Et donc c'est un calcaire d'abord qu'on connaissait déjà bien parce que on n'a pas attendu les carrières pour étudier la pierre de construction à Marseille, et donc le calcaire de Saint-Victor on le connaît bien et on sait qu'il est en général, d'abord il est variable, il y a des bancs très différents et il est le plus souvent relativement impropre à la construction parce qu'il est il ne résiste pas aux agents atmosphériques essentiellement. Donc on l'a utilisé beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a abandonné au bout d'un certain temps pour une autre carrière un peu plus lointaine. Certainement, il y a des bancs solides, mais il y a des bancs qui ne sont pas solides qu'on a utilisé notamment pour les sarcophages parce que les sarcophages ça s'enterre et donc ça ne s'abîme pas. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un site très important, c'est la plus belle carrière qu'on ait à Marseille intramuros, enfin dans la ville. En gros, ce que nous a apporté la carrière, et ça les gens ne le savent pas, on le savait déjà en fait, on le savait déjà par d'autres canaux. Alors Dominique Garcia, ce sont des archéologues de l'INRAP sous la direction de Philippe Mélinan qui ont dirigé donc ces fouilles de la carrière de la Corderie. Il y a eu une flambée, peut-on dire, de réactions, de discussions des hommes politiques, des élus municipaux, des aménageurs, puisqu'il y a, ce site était dévolu pour la construction d'un immeuble de Vinci Immobilier. Et vous, l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, un institut dont il faut rappeler que vous êtes le président et qui est un institut d'État, vous êtes retrouvé coincé, pourrait-on dire, dans cette situation où vous deviez rendre ce lieu, une fois qu'il avait été fouillé, vous étiez arrivé à la Roche-Mère, à l'endroit où il n'y avait plus rien à trouver, en l'occurrence, puisque tout avait été dégagé par les archéologues, et avec un débat qui s'est enflammé très rapidement, et vous avez été un des acteurs, Dominique Garcia, de ce débat. Non, moi, j'ai fonctionné, j'ai réagi en tant que citoyen, en tant qu'archéologue, et puis également en tant que président de l'INRAP, mais là aussi, donnons de la profondeur historique. Quand on parle de cette carrière, on ne parle pas de la ville intramuros. On parle d'espace de production hors les murs. Et là, c'est là où on voit que l'archéologie a fait des grands progrès depuis les années 50. Pour émouvoir des populations dans les années 50, il fallait sortir des colonnes, des temples, des amphores, des bateaux. Là, on a pu susciter une certaine attention. Une grande émotion. Grande émotion en fouillant des structures de production. Et ça, c'est les progrès de l'archéologie ces dernières années, une évolution des sensibilités. Aujourd'hui, à Marseille, on connaît la ville, on connaît les remparts grâce à Henri Trésini, on connaît la diffusion des amphores de Marseille grâce à Michel Batz, on connaît les bateaux grâce à Patrice Paumé, mais aujourd'hui, on connaît également les vignes, donc les endroits où on a produit du vin qui a fait la richesse de Marseille grâce aux fouilles mises en place par Philippe Aubastino, par l'INRAP ces dernières années. On a pu mettre en place une fouille sur cet espace de la carrière et donc, en fin de compte, trouver des lieux de production. Et ça, c'est un grand progrès de l'archéologie préventive ces 20-30 dernières années, grâce à l'action de l'État qui a prescrit ces opérations. C'est de transformer, en fin de compte, le pays en site archéologique et ne plus s'arrêter à des monuments, à des villes, à des sépultures, mais également de fouiller les zones de production. Il faut rappeler que l'INRAP est spécialisé, entre autres, parce qu'il y a aussi des concurrents du privé dans les fouilles sur les grands chantiers d'aménagement, que ce soit les autoroutes ou que ce soit encore les lignes de TGV, avec des grands programmes d'aménagement qui permettent justement aux archéologues de faire beaucoup plus de découvertes qu'auparavant, et en particulier sur un bâti qui n'est pas un bâti a priori très glorieux au sens d'une archéologie du 19e siècle. Oui, et ensuite, concernant, vous disiez, à un moment donné, vous avez dit, les archéologues ont fouillé jusqu'au sol. Par définition, sur la carrière, on s'est arrêté de fouiller à l'endroit où les carriers avaient arraché quasiment les premiers blocs qui ont servi aux fondations de Marseille. Parce que Marseille n'est pas une ville de pierre, comme la plupart des villes de cette période-là, c'est une ville de terre. L'élévation des remparts était en briques crues, l'élévation des maisons était en briques crues. Henri Trésigny le rappelait tout à l'heure, les toits même étaient en terre, et donc la pierre servait essentiellement aux fondations, plus dans la fabrication d'objets mobiliers, comme les sarcophages, des mets de pressoir ou autres. Donc on a là un ensemble qui est original, qui est un ensemble lié à la production, mais à rappeler que le travail des archéologues, c'est la production d'archives du sol, et que l'opération de fouille qui a été bien menée et qui s'est bien réalisée, a permis de produire des données qui seront exploitées par l'ensemble des chercheurs par la suite. Mais alors, pourquoi des archéologues ont-ils pris la parole, Dominique Garcia, pour dire bah, il faut conserver ce site, y compris dans son intégralité, les quelques 4000 mètres carrés qui étaient le projet d'aménagement. Et on dit, au bout du compte, c'est un... Alors, ce ne sont pas forcément des archéologues qui l'ont dit, c'est un carnage patrimonial oui, que ne pas conserver. Les archéologues qui se sont prononcés sur la question se comptent sur les doigts d'une main, mais... ils existent. Ils existent, et leur voix... Et ce sont des gens qui sont compétents. Et leur voix est intéressante, mais leurs expressions ont été des expressions de citoyens, de gens émus par ces découvertes, et on attend les réponses, l'apport scientifique qu'aurait été la conservation totale du site. Vous-même, Henri Trésigny, vous êtes ému face à cette découverte de la corderie, vous avez dit qu'il fallait la conserver. Je vais vous dire une chose, si je me suis permis de vous lancer une perche en citant le nom de la corderie, c'était pour qu'on évacue le problème de ce que j'appelle un épiphénomène. Et peut-être que on parle de. Oui, mais il faut quand même l'évoquer parce que j'ai été ému. Non, j'ai pas été ému parce que je suis pas particulièrement émotif et parce que j'ai été plus ému par d'autres choses. Encore une fois, qu'on a détruites sans que personne ne dise rien. Il y a dans les 10 dernières années ou 20 dernières années. Donc pour moi, c'est un site important. Mais l'important pour moi, c'est qu'il ait été bien fouillé, bien étudié et qu'on puisse en tirer ce qui est le cas, bien entendu. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Ensuite, le problème de la conservation du patrimoine est beaucoup plus vaste, mais il ne faut pas le poser par rapport à la corderie seulement. Il faudrait le poser par rapport à l'ensemble des sites marseillais et de la politique menée à la fois par la culture d'une part et par la ville de Marseille d'autre part sur ces problèmes de conservation. C'est là qu'est le problème. En général, c'est pas le problème de la corderie qui était encore une fois pour moi un épiphénomène qui a été monté en neige par les moyens médiatiques actuels. Mais tout de même, ça veut dire quoi qu'il faudrait poser le problème plus largement de la conservation de ce qui se trouve à Marseille. D'abord, par exemple, vous avez la mémoire des choses marseillaises, je pense. Vous savez que dans les années 1990, on a fait à l'est de la mairie actuelle un grand trou devant l'Hôtel Dieu pour y installer le musée César. Mmh. Bon, un musée d'art contemporain. Donc, on a fait un trou dans une zone sensible. Du centre historique de Marseille, on ne pouvait pas ignorer que c'était Marseille, on était sur la mairie. Surtout que c'était vraiment l'implantation du 6e siècle dont vous nous parliez tout à l'heure. Pour y installer, alors on ne savait pas exactement ce qu'on allait trouver dessous, mais on savait qu'on trouverait des choses, pour y installer un musée d'art contemporain, était-ce légitime? Était-ce raisonnable? La réponse est non. Oui. Mais ça n'a pas été fait, on a fait autre chose parce que mais pour des problèmes parce que la dation de César ne s'est pas faite. Mais ça veut donc dire selon vous que il y a des discussions à avoir sur la patrimonialisation ou pas de ce que l'on découvre quand on est archéologue comme vous dans une ville aussi ancienne que Marseille, sur la nécessité de conserver, de faire des choix aussi dans cette conservation, de choisir de façon la plus raisonnable possible ce qu'il faut conserver ou pas. Moi je dirais d'abord qu'au départ il y a des fouilles à ne pas faire. Il faut être sûr qu'il faut vraiment faire ce qu'on veut faire. La fouille n'est que la conséquence d'une décision politique. Il y a des décisions politiques malheureuses. Celle-là en est une. Après, construire un tunnel pour faire passer une autoroute, construire, je ne sais pas, des logements sociaux ou autre chose, ça peut se discuter. La nécessité peut se discuter. C'est un problème politique. Le problème des parkings souterrains, c'est la catastrophe pour nous, c'est les parkings souterrains. Expliquez-nous pourquoi. Parce que les parkings souterrains obligent à détruire le sous-sol. Alors que des immeubles peuvent se construire éventuellement légèrement en surface et donc conserver des vestiges dessous. C'est une solution qui a été adoptée ailleurs, à Athènes par exemple, ça existe. Dominique Garcia. Non, Henri Trésigny pose parfaitement le débat. Soit on privilégie, on fait des réserves archéologiques. et ça existe. On dit là, on ne fait rien, on garde le sous-sol pour les générations futures. C'est légitime, c'est important, et des endroits comme ça sont désignés comme des réserves archéologiques. Soit l'archéologue intervient et lui dire on va conserver tel ou tel niveau est une question extrêmement difficile. Marseille est une ville contemporaine, une ville moderne, médiévale, antique, grecque. Quel niveau va-t-on conserver pour présenter quoi de manière plus ou moins cohérente. Mais néanmoins, Dominique Garcia, est-ce que l'archéologue ne se trouve pas dans une situation, comme dans une fouille urbaine comme celle de la Corderie, dans une situation comme l'étaient parfois des historiens sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple, dans les années 70 ou 80, c'est-à-dire en prise avec une demande sociale qui lui échappe. Henri Trésigny l'a dit, et vous l'avez dit évidemment en tant que président de l'INRAP, cette fouille a été bien menée, mais ça n'est pas simplement une chose que de bien mener une fouille, c'est aussi d'entendre ce qui se dit autour, le bruit ambiant, et ce bruit a été très très très vif pendant les 6 derniers mois, donc autour de cette fouille de la Corderie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de réfléchir en tant qu'archéologue à ce que l'on fait, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, quelles sont les normes du métier, vous les connaissez, il y a une méthode. Mais que peut-on faire vis-à-vis justement de cette demande sociale ? On le fait en permanence. Un archéologue fabrique un site archéologique comme il produit des archives archéologiques. Et ensuite, bien entendu, ce qui va ensuite advenir au site, on le sait dans le cadre des fouilles programmées, on le sait dans le cadre des sites inscrits. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui n'est pas très ancienne. Au début du troisième millénaire, après Jésus-Christ, donc au début des années 2000, un site extrêmement important qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille, dans le 15e arrondissement. Le site du Verduron appartient à des propriétaires privés et ce site est en danger. Et donc, enseignant à l'Université d'Aix-en-Provence, j'avais mis un étudiant, un doctorant à travailler sur ce type de site proto-historique. Et ensuite, on a fait une enquête parallèle en s'appuyant sur les archives d'un IRIDI local pour retrouver les propriétaires, pour retrouver les archives du site. On a fait racheter le site par la collectivité, le site avec les classé monument historique, et c'est le seul monument historique des quartiers nord de Marseille. Ce site, aujourd'hui, depuis 2004, donc, est propriété publique, il est classé, il n'attend qu'à être valorisé, exploité culturellement, touristiquement, et intéressé et être partagé par l'ensemble de la population. Il aurait, je vous dis, c'est le seul écrin, et sans doute la seule ville proto-historique entièrement fouillée, mais que l'on retrouve jusqu'à la Catalogne. Ce classement en monument historique, c'est ce que souhaitaient les défenseurs de la Corderie. Ils disaient, si on le classe, ça sera tranquille, on ne pourra plus construire au-dessus, par exemple. C'était une des questions qui était débattue dans le débat public qui s'est déroulé pendant plus de 6 mois, Dominique Garcia. Dans le cadre de la Corderie, rappelons que plus de 600 mètres carrés sont aujourd'hui conservés. 635 ont été conservés et c'est une partie d'un patrimoine, donc d'une activité qu'il faudra faire vivre, expliquer et transmettre par la suite. Donc c'est quelque chose qui a été fait. Oui, Henri Trésigny, cette émotion archéologique, vous l'avez sûrement vécue en tant que archéologue pendant les fouilles de la Bourse, puisqu'il y avait un débat vraiment public très vif autour de la conservation de ces fouilles de la Bourse. Vous l'avez vécu depuis 50 ans, très régulièrement sur les fouilles à Marseille ? Je ne crois pas. Je crois que la plupart des dossiers se sont passés de façon relativement tranquille, sans que personne ne s'émeuve d'aucune destruction. Me semble-t-il, je suis pas un spécialiste. D'abord, j'ai pas toujours vécu à Marseille. Bien sûr. J'ai pas toujours travaillé sur Marseille. Mais je crois que, en gros, c'est relativement nouveau, ce phénomène de la Corderie. J'ai d'ailleurs, le seul aspect que je trouve réconfortant de cet aspect, de ces événements, c'est que ça a montré qu'il y avait des gens qui pouvaient bouger. Et ce qui serait souhaitable, c'est qu'ils bougent également à d'autres occasions. C'est-à-dire aussi dans d'autres quartiers. Vous appelez à l'insurrection. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que le problème de la conservation du patrimoine, c'est quoi ? C'est de savoir ce que la population veut conserver de son propre patrimoine. Moi, je travaille beaucoup en Italie du Sud. En Italie du Sud, on conserve quasiment tout. Pas tout, parce qu'on ne pourrait pas vivre, mais disons, on conserve énormément de choses, trop même, parce qu'on n'a plus le moyen de les conserver après. C'est-à-dire de désherber, de restaurer, de faire visiter. Il n'y a pas assez d'argent pour le faire. Donc il ne faut pas non plus vouloir tout conserver. Mais c'est un problème patrimonial général. Ensuite, qui est-ce qui décide? Ben, c'est essentiellement les politiques. Hein. C'est la ville de Marseille. Mais la ville de Marseille, elle va faire des choses en fonction de ses électeurs. Si les électeurs demandent qu'on conserve le patrimoine, elle le fera. Si on voit que les électeurs s'en fichent, elle le fera pas. Parce que donc c'est là où vous dites effectivement qu'une insurrection populaire corderie... Ne me faites pas dire que j'appelle à l'insurrection, ce serait tout à fait faux. Non mais que, disons, ce débat public qu'il y a eu autour de la corderie, vous pensez qu'il a des vertus parce qu'il montre, selon vous, qu'il y a un intérêt pour la conservation patrimoniale. Je pense qu'il a eu, à mon avis, beaucoup plus d'inconvénients que de vertus. Pourtant, vous avez vous-même pris un peu parti dans ce débat. Non, le moins possible. Et, mais un tout petit peu, quand même. Un tout petit peu. Ouais. En faveur de la conservation. Non, absolument pas. Et c'est justement ça qui m'a un petit peu agacé. C'est qu'on arrive... tous les journalistes ne sont pas comme vous, Monsieur Laurentin. Et beaucoup de journalistes arrivent à vous faire dire ce que vous ne vouliez justement pas dire. Et ils ne conservent que les 30 secondes de l'interview que vous leur avez accordée. Nous, on a 45 minutes. C'est un petit peu agaçant. Non. Mais je ne suis pas contre... je voudrais qu'on élargisse, qu'on parle largement du débat, et pas simplement de la corderie. C'est très complexe, c'est très compliqué, parce que, effectivement, les aménageurs, je pense essentiellement à la ville, sont extrêmement ennuyés par tout ça. D'ailleurs, notre maire nous le rappelle sans cesse. Les archéologues ralentissent le travail, ce sont des gêneurs. Pourtant, c'est un professeur d'histoire-géographie, il devrait le savoir. Oui, paraît-il, mais je ne sais pas. C'est un problème extrêmement difficile, et comme le disait Dominique, le problème c'est que on ne peut pas dire à l'avance ce qu'on va trouver dans une fouille. Et en particulier s'il y a des choses qui sont dignes d'être conservées. Mais nous ne savons même pas ce qu'il faut qualifier de digne d'être conservé. Car ça dépend, ça va dépendre des points de vue, ça va dépendre. Alors, vous parliez tout à l'heure que vous faisiez des archives en tant qu'archéologue et président de l'INRAP, en l'occurrence Dominique Garcia. Vous connaissez l'autre polémique qui commence à monter sur la question des archives essentielles. On pourrait presque la mettre en parallèle avec cette discussion que nous avons depuis un certain temps autour de la corderie et même de la conservation des vestiges antiques de la ville de Marseille. Qu'est-ce qui décide, comme vient de le dire Henri Trésigny, de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est conservable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est important de conserver et de ce qui ne l'est pas? Le système, de manière générale, est relativement bien rodé. Aujourd'hui, tous les permis de construire, tous les permis de démolir font l'objet d'une instruction par les services de l'État. Dans les zones sensibles, et Marseille, comme d'autres espaces, ces dossiers sont regardés par les services de l'État de manière attentive, et des diagnostics, puis des fouilles, sont prescrites si l'opération a du sens d'un point de vue historique, ou d'un point de vue archéologique, d'un point de vue patrimonial. Donc le système est rodé, il n'y a pas d'endroit, il n'y a rien qui ne passe dans les trous de la raquette, il y a une observation qui est faite, et le fait qu'à la corderie on ait pu avoir autant d'émotions, c'est parce qu'en fin de compte, le site avait été révélé. Un site où il existait un terrain vague depuis un certain nombre d'années, sur lequel il n'y avait pas d'attention particulière ou patrimoniale. Le terrain vague ne cachait pas la vue, les gens y passaient, s'y garaient rapidement, etc. En fin de compte, le site a révélé, la fouille a révélé quelque chose qui était inconnu, et ce sont les archéologues qui ont su le faire, créer ces archives, ont su le dire, ont su le transmettre, mais les informations ont été réalisées. L'archéologue est presque, non pas le premier destructeur, mais celui qui va démonter le site en tant que tel. Oui, mais néanmoins, vous voyez bien combien vous avez été accusé, les archéologues en général ont été accusés de participer à la destruction d'un site, de ne pas l'avoir plus défendu qu'ils ne l'ont défendu, etc., etc. Il y a eu quand même un débat autour de cette question mais vous êtes des historiens, des archéologues, des gens qui sont censés préserver le patrimoine, et néanmoins... Il y a deux débats. L'archéologue, quand il intervient, étudie le site archéologique et en extrait les données. Lorsque l'archéologue n'intervient plus sur le terrain a livré toutes les données. Et ensuite, bien entendu, il reste l'objet patrimonial ou l'objet à construire et aménager par la suite. Et là, comme le disait très bien Henri Trésine tout à l'heure, c'est effectivement un débat politique aux citoyens. Là, dans le cas, mettons, de la corderie, c'est des logements, c'est une crèche, c'est des parkings. Si à Marseille, on n'a pas besoin... Et c'est du logement privé parce qu'il y a aussi des logements sur là. Voilà. Henri Trésigny, vous disiez, il ne faut pas s'arrêter à ce cas de la corderie. Il faut donc prendre de la hauteur, selon vous, regarder 50 ans d'histoire des fouilles archéologiques à Marseille et regarder peut-être ce qu'il y a devant. Ça sera toujours aussi difficile de fouiller dans une ville comme Marseille. Ça sera toujours aussi compliqué. Il y aura toujours des débats et peut-être encore plus vifs après la bourse, il y a 50 ans, après la corderie, il y a 6 mois et peut-être avec d'autres possibilités d'enflammement. Il y a d'autres possibilités. Moi, je crois beaucoup aux réserves archéologiques. Qu'est-ce que vous appelez des réserves archéologiques ? Les réserves archéologiques, ce sont des endroits dont on sait qu'il y a un potentiel archéologique important, mais qu'on décide justement de ne pas fouiller et de geler, de protéger. Fouiller et de ne pas construire non plus, par exemple. Ah bah, bien sûr. Voilà, c'est ça. Protéger, ça veut dire qu'on ne construit pas. Ou alors qu'on construit de telle sorte qu'on protège ce qui est en sous-sol. Mais quand une ville comme Marseille se transforme profondément, quand on fait transformer le centre-ville, et en particulier ce quartier du Panier, qui est l'emplacement antique de Marseille, on le modernise et en même temps, on change la population à l'intérieur... Évidemment, ça doit être difficile pour une municipalité de faire une réserve archéologique. On essaie aussi de regarder ailleurs ce qui se passe, parce que Marseille n'est pas la seule ville grecque des rives de la Méditerranée. Moi, je travaille beaucoup vers Syracuse, par exemple, à Tarente, etc., où on a des vieilles villes qui sont construites sur des villes romaines et grecques, aussi anciennes que Marseille, voire plus. Et on essaie de conserver, notamment en sous-sol, faire des cryptes archéologiques, enfin ce qu'on a fait à Notre-Dame, par exemple. On essaie au maximum, je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, mais de conserver un maximum de patrimoine archéologique. À Marseille, on ne conserve que exceptionnellement, quand vraiment on ne peut pas faire autrement, pour des raisons... Normalement, ce qui est normal, c'est de détruire. Donc les réserves archéologiques... C'est raide ce que vous dites. C'est la loi française, ouais. Hein, c'est pas Marseille. C'est pas Marseille, je crois que c'est la législation française aboutit à ça. C'est pas seulement à Marseille. Par contre, dans des villes en Italie, je connais un site près de Messine où on a détourné une autoroute qui était droite qui fait un S pour conserver les mosaïques d'une villa romaine qui est dessous. Jamais en France on aurait fait ça. Je dis pas à Marseille là aussi, ça aurait été en Bretagne, c'était pareil. Hein. L'autoroute ça va tout droit. À Messine, non, l'autoroute fait une courbe pour... Dominique Garcia. Fossiliser l'espace urbain sera extrêmement difficile à Marseille comme ailleurs. On a dit, ben voilà, Marseille est une cité grecque qui a réussi pour le bonheur des Marseillais aujourd'hui, pour le malheur des amateurs du patrimoine, parce qu'effectivement, la ville se transforme. Voilà, vous parliez hier d'espace industriel. Aujourd'hui, ce sont des habitations, ce sont des écoles, ce sont des gymnases. La ville bouge, essaie de s'adapter à des contraintes et les archéologues jouent effectivement dans un espace extrêmement compliqué et sont obligés effectivement d'aller vite, d'adapter leurs méthodes, de faire des choix, parce que quand on est historien, vous parliez d'archives tout à l'heure, on fait des choix quand on travaille sur des archives et lorsqu'on travaille sur le terrain en tant qu'archéologue, on se doit de faire des choix et puis on a la responsabilité, comme le rappelait tout à l'heure Henri Trésigny, d'exploiter ces données et d'exploiter ces archives. Moi je crois que le grand défi il est là, il n'est pas tant de dire on va tout fossiliser ou on va tout fouiller ou on va tout conserver, le grand défi, il est d'exploiter au mieux les documents dont nous avons aujourd'hui la responsabilité, ceux qui sont conservés, la corne du porc, le Verduron ou les Maillans qu'Henri Trésigny connaît bien, et des sites de temps en temps sur lesquels on devra dire là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dans le cas de la corderie, je rappellerai à nouveau qu'une partie du site est conservée et qu'à la limite, la lecture sur 600 mètres carrés de carrière sera aussi aisée que sur 4000 mètres, mais peut-être même mieux. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous-même, en tant que président d'INRAP, qu'il devienne difficile de procéder à des fouilles dans un contexte qui a été échauffé par un cas comme celui de la corderie et 50 ans plus tôt par celui de la bourse. Le débat que l'on a aujourd'hui où on essaie de nous présenter comme contradicteurs alors qu'on pas est, du tout, on est complémentaire. On est d'accord et complémentaire montre que justement non, l'archéologie n'a pas à être l'otage d'autres débats, mais en revanche l'archéologue se doit de se poser des questions effectivement de sa responsabilité face au patrimoine. Et donc et de réfléchir tout de même à la façon dont ce qu'il produit en tant que spécialiste du passé est reçu aussi par la population aux alentours. Bien entendu, c'est ce que l'on fait. Écoutez, pour donner quelques exemples, le 23 décembre est passé sur Arte un film coproduit par l'INRAP sur le Mont-Saint-Michel, près d'un million de téléspectateurs. Nos sites archéologiques sont visités en permanence par les citoyens, évidemment. Les journées de l'archéologie. Les enfants, aujourd'hui, c'est un enjeu extrêmement fort par rapport au patrimoine. Je parlais du Varduron, je parlais de l'ensemble des sites que l'on partage avec des scolaires. Donc les défis sont extrêmement importants. Oui, sur ce point justement, sur la popularisation de ces travaux et ces frottements avec les... C'est-à-dire que la popularisation des travaux, là, ça, c'est plus complexe, parce que ça suppose que l'on fouille, que l'on ne fouille pas tout. C'est-à-dire qu'on n'aille pas jusqu'au rocher partout, sinon il n'y a plus rien à voir, et qu'on conserve un certain nombre de choses pour les faire voir. Et il y a un exemple intéressant, un peu désolant, mais en même temps pas tout à fait, c'est le collège Vieux-Port à Marseille, qui a été fouillé il y a maintenant presque 10 ans peut-être, et dans lequel on a, pour l'extension d'un collège, pour la construction d'une cantine en fait, on a fait une fouille très intéressante qui n'est pas allée jusqu'au fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas les premiers niveaux, les niveaux du début du 6e siècle, on sait qu'ils y sont mais ils n'ont pas été fouillés. La fouille a été remblayée, il y a un parking au-dessus, c'est-à-dire que, mais elle n'est pas visible. Et donc là on a perdu, on a conservé le site, mais on a perdu l'aspect patrimonial puisque les gens ne voient rien. C'est ça la difficulté. Ouais. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions, si ce n'est financière. C'est-à-dire faire des musées de sites. C'est ça qu'il faut. Et donc, redire aussi que le très beau musée d'histoire de la ville de Marseille est visitable et qu'on y trouve encore beaucoup de choses qui ont été conservées et pas totalement détruites, justement, pendant ces fouilles archéologiques depuis 50 ans. Merci beaucoup, Henri Trésigny. Je rappelle que vous avez coordonné avec d'autres de Gypti sur Oironnais, c'était chez Hérens en 2001, et encore Marseille grecque en 99 chez Hérens, que vous avez participé au guide archéologique de la France qui s'intéresse aux Marseille antique, c'est aux éditions du Patrimoine. Et il faut citer aussi Quand les archéologues redécouvrent Marseille, c'est un livre collectif Gallimard INRAP dirigé par Marc Bouiron et Philippe Mélinan qui a dirigé les fouilles de la Corderie, ou encore Greek Marseille and Mediterranean Celtic Region, donc c'est chez Peter Lang et c'est dirigé par vous-même Dominique Garcia et Sophie Bouffier. Merci, on mettra toutes ces références sur le site de France Culture. Merci à tous les deux d'être venus très tranquillement parler de cette discussion autour du passé antique de Marseille. Merci, Garcia. Merci vous deux. Merci aussi. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marseille et Francesca Fossati. Dalia était avec nous à la technique et nous avions Thomas Duterre à la réalisation ce matin. Si vous voulez écouter ou réécouter ces émissions sur Marseille, n'hésitez pas à aller sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et comme je le disais en ouverture de cette émission, vous pouvez aussi écouter sur ce site et sur les pages du jour des émissions anciennes que nous avions consacrées à cette ville de Marseille en 2013.